Novembre, deuxième partie. Quelquefois, je me demandais si je ne me trompais pas. J'alignais ma jeunesse, mon avenir. Mais quelle pitoyable jeunesse, quel avenir vide. Quand je voulais sortir du spectacle de ma misère et regarder le monde, ce que j'en pouvais voir, c'était des hurlements, des cris, des larmes, des convulsions. La même comédie revenant perpétuellement, avec les mêmes acteurs. Et il y a des gens, me disais-je, qui étudient tout cela et se remettent à la tâche tous les matins. Il n'y avait plus qu'un grand amour qui eût pu me tirer de là. Mais je regardais cela comme quelque chose qui n'est pas de ce monde, et je regrettais amèrement tout le bonheur que j'avais rêvé. Alors la mort m'a paru belle. Je l'ai toujours aimée. Enfant, je la désirais seulement pour la connaître, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau et qu'elle songe à ce sommeil. Je me souviens avoir souvent gratté le verre de gris des vieux sous pour m'empoisonner, essayer d'avaler des épingles, m'être approché de la lucarne d'un grenier pour me jeter dans la rue. Quand je pense que presque tous les enfants font de même, qu'ils cherchent à se suicider dans leurs jeux, ne dois-je pas conclure que l'homme, quoi qu'il en dise, aime la mort d'un amour dévorant. Il lui donne tout ce qu'il crée. Il en sort et il y retourne. Il ne fait qu'y songer tant qu'il vit. Il en a le germe dans le corps, le désir dans le cœur. Il est si doux de se figurer qu'on n'est plus. Il fait calme dans tous les cimetières. Là, tout étendu et roulé dans le linceul, et les bras en croix sur la poitrine, les siècles passent sans plus vous éveiller que le vent qui passe sur l'herbe. Que de fois j'ai contemplé dans les chapelles des cathédrales ces longues statues de pierre couchées sur les tombeaux. Leur calme est si profond que la vie ici-bas n'offre rien de pareil. Ils ont sur leurs lèvres froides comme un sourire monté du fond du tombeau. On dirait qu'ils dorment, qu'ils savourent la mort. N'avoir plus besoin de pleurer, ne plus sentir de ces défaillances où il semble que tout se rompt comme des échafaudages pourris. C'est là le bonheur au-dessus de tous les bonheurs, la joie sans lendemain, le rêve sans éveil. Et puis, on va peut-être dans un monde plus beau, par-delà les étoiles, où l'on vit de la vie, de la lumière et des parfums. L'on est peut-être quelque chose de l'odeur des roses et de la fraîcheur des prés. Oh non, non, j'aime mieux croire que l'on est bien mort, tout à fait, que rien ne sort du cercueil. Et s'il faut encore sentir quelque chose, que soit son propre néant, que la mort se repaisse d'elle-même et s'admire, assez de vie juste pour sentir que l'on n'est plus. Et je montais en haut des tours, je me penchais sur l'abîme, j'attendais le vertige venir, j'avais une inconcevable envie de m'élancer, de voler dans l'air, de me dissiper avec les vents. Je regardais la pointe des poignards, la gueule des pistolets, je les appuyais sur mon front. Je m'habituais au contact de leur froid et de leur pointe. D'autres fois, je regardais les rouliers tournant à l'angle des rues et l'énorme largeur de leurs roues broyer la poussière sur le pavé. Je pensais que ma tête serait ainsi bien écrasée pendant que les chevaux iraient au pas. Mais je n'aurais pas voulu être enterrée. La bière m'épouvante. J'aimerais plutôt être déposée sur un lit de feuilles sèches au fond des bois et que mon corps s'en allât petit à petit au bec des oiseaux et aux pluies d'orage. Un jour à Paris, je me suis arrêtée longtemps sur le pont Neuf. C'était l'hiver. La Seine charriait de gros glaçons ronds descendaient lentement le courant et se fracassaient sous les arches. Le fleuve était verdâtre. J'ai songé à tous ceux qui étaient venus là pour en finir. Combien de gens avaient passé à la place où je me tenais alors, courant la tête levée à leurs amours ou à leurs affaires, et qui étaient revenus un jour, marchant à petits pas, palpitant à l'approche de mourir. Ils se sont approchés du parapet, ils ont monté dessus, ils ont sauté. Oh, que de misère ont fini là, que de bonheur y ont commencé. Quel tombeau froid et humide, comme il s'élargit pour nous, comme il y en a dedans. Ils sont tous là au fond, roulant lentement avec leurs faces crispées et leurs membres bleus. Chacun de ces flots glacés les emporte dans leur sommeil et les traîne doucement à la mer. Quelquefois, les vieillards me regardaient avec envie. Ils me disaient que j'étais heureux d'être jeune, que c'était là le bel âge. Leurs yeux caves admiraient mon front blanc. Ils se rappelaient leurs amours et me les contaient. Mais je me suis souvent demandé si dans leur temps, la vie était plus belle. Et comme je ne voyais rien en moi que l'on pût envier, j'étais jaloux de leurs regrets, parce qu'ils cachaient des bonheurs que je n'avais pas eus. Et puis c'était des faiblesses d'hommes en enfance à faire pitié. Je riais doucement et pour presque rien comme les convalescents. Quelquefois, je me sentais pris de tendresse pour mon chien. Et je l'embrassais avec ardeur. Ou bien, j'allais dans une armoire revoir quelques vieilles habits de collège et je songeais à la journée où je l'avais étreigné, au lieu où il avait été avec moi, et je me perdais en souvenirs sur tous mes jours vécus. Car les souvenirs sont doux, tristes ou gais, n'importe. Et les plus tristes sont encore les plus délectables pour nous. Ne résume-t-il pas l'infini ? L'on épuise quelquefois des siècles à songer à une certaine heure qui ne reviendra plus, qui a passé, qui est au néant pour toujours et que l'on rachèterait pour tout l'avenir. Mais ces souvenirs-là sont des flambeaux clairsemés dans une grande salle obscure. Ils brillent au milieu des ténèbres. Il n'y a que dans leur rayonnement que l'on y voit. Ce qui est plus près d'eux resplendit, tandis que tout le reste est plus noir, plus couvert d'ombre et d'ennui. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous raconte ceci. Je ne me rappelle plus bien l'année, c'était pendant une vacance. Je me suis réveillée de bonne heure et j'ai regardé par la fenêtre. Le jour venait, la lune toute blanche remontait dans le ciel. Entre les gorges des collines, des vapeurs grises et rosées fumaient doucement et se perdaient dans l'air. Les poules de la basse-cour chantaient. J'ai entendu derrière la maison, dans le chemin qui conduit au champ, une charrette passer dont les roues claquaient dans les ornières. Les faneurs allaient à l'ouvrage. Il y avait de la rosée sur la haie, le soleil brillait dessus, on sentait l'eau et l'herbe. Je suis sortie et je m'en suis allée à... J'avais 3 lieues à faire, je me suis mise en route, seule, sans bâton, sans chien. J'ai d'abord marché dans les sentiers qui serpentent entre les blés. J'ai passé sous des pommiers au ras des haies. Je ne songeais plus à rien. J'écoutais le bruit de mes pas, la cadence de mes mouvements me berçait la pensée. J'étais libre, silencieux et calme. Il faisait chaud. De temps à autre, je m'arrêtais. Mes tempes battaient, le cri-cri chantait dans les chaumes et je me remettais à marcher. J'ai passé dans un hameau où il n'y avait personne. Les cours étaient silencieuses. C'était, je crois, un dimanche. Les vaches, assises dans l'herbe, à l'ombre des arbres, ruminaient tranquillement, remuant leur queue pour chasser les moucherons. Je me souviens que j'ai marché dans un chemin où un ruisseau coulait sur les cailloux. Des lézards verts et des insectes aux ailes d'or montaient lentement le long des rebords de la route, qui était enfoncée et toute couverte par le feuillage. Puis je me suis trouvée sur un plateau, dans un champ fauché. J'avais la mer devant moi. Elle était toute bleue. Le soleil répandait dessus une profusion de perles lumineuses. Des sillons de feu s'étendaient sur les flots. Entre le ciel azuré et la mer plus foncée, l'horizon rayonnait, flamboyait. La voûte commençait sur ma tête et s'abaissait derrière les flots qui remontaient vers elle, faisant comme le cercle d'un infini invisible. Je me suis couchée dans un sillon et j'ai regardé le ciel, perdu dans la contemplation de sa beauté. Le champ où j'étais était un champ de blé. J'entendais les cailles qui voltigeaient autour de moi et venaient s'abattre sur des mottes de terre. La mer était douce et murmurait plutôt comme un soupir que comme une voix. Le soleil lui-même semblait avoir son bruit. Il inondait tout. Ses rayons me brûlaient les membres. La terre me renvoyait sa chaleur. J'étais noyée dans sa lumière. Je fermais les yeux et je la voyais encore. L'odeur des vagues montait jusqu'à moi, avec la senteur du varech et des plantes marines. Quelquefois, elle paraissait l'arrêter ou venait mourir sans bruit sur le rivage festonné d'écume, comme une lèvre dont le baiser ne sonne point. Alors, dans le silence de deux vagues, pendant que l'océan gonflé se taisait, j'écoutais le chant des cailles et après celui des oiseaux. Je suis descendue en courant au bord de la mer. À travers les terrains éboulés que je sautais d'un pied sûr, je levais la tête avec orgueil. Je respirais fièrement la brise fraîche qui séchait mes cheveux en sueur. L'Esprit de Dieu me remplissait. Je me sentais le cœur grand. J'adorais quelque chose d'un étrange mouvement. J'aurais voulu m'absorber dans la lumière du soleil et me perdre dans cette immensité d'azur avec l'odeur qui s'élevait de la surface des flots. Et je fus pris alors d'une joie insensée et je me mis à marcher comme si tout le bonheur des cieux m'était entré dans l'âme. Comme la falaise s'avançait en cet endroit-là, toute la côte disparut et je ne vis plus rien que la mer. Les lames montaient sur le galet jusqu'à mes pieds. Elles écumaient sur les rochers à fleurs d'eau, les battaient en cadence, les enlaçaient comme des bras liquides et des nappes limpides, en retombant illuminées d'une couleur bleue. Le vent soulevait les mousses autour de moi et ridait les flaques d'eau restées dans le creux des pierres. Les varechs pleuraient et se berçaient, encore agités du mouvement de la vague qui les avait quittés. De temps à autre, une mouette passait avec de grands battements d'ailes et montait jusqu'au haut de la falaise. À mesure que la mer se retirait et que son bruit s'éloignait ainsi qu'un refrain qui expire, le rivage s'avançait vers moi, laissant à découvert sur le sable les sillons que la vague avait tracés. Et j'ai compris alors tout le bonheur de la création et toute la joie que Dieu y avait placée pour l'homme. La nature m'a paru belle comme une harmonie complète que l'extase seule doit entendre. Quelque chose de tendre comme un amour et de pur comme la prière s'éleva pour moi du fond de l'horizon, s'abattit de la cime des rocs déchirés, du haut des cieux. Il se forma du bruit de l'océan, de la lumière du jour, quelque chose d'exquis que je m'appropriais comme d'un domaine céleste. Je m'y sentis vivre heureux et grand, comme l'aigle qui regarde le soleil et monte dans ses rayons. Alors tout me sembla beau sur la terre. Je n'y vis plus de disparates, ni de mauvais. J'aimais tout, jusqu'aux pierres qui me fatiguaient les pieds, jusqu'aux rochers durs où j'appuyais les mains, jusqu'à cette nature insensible où je supposais m'entendre et m'aimer. Et je songeais alors combien il était doux de chanter le soir à genoux des cantiques aux pieds d'une Madone qui brille au candélabre et d'aimer la Vierge Marie qui apparaît aux marins dans un coin du ciel, tenant le doux enfant Jésus dans ses bras. Puis ce fut tout. Bien vite, je me rappelais que je vivais. Je revins à moi, je me mis en marche, sentant que la malédiction me reprenait, que je rentrais dans l'humanité. La vie m'était revenue comme aux membres gelés par le sentiment de la souffrance. Et de même que j'avais un inconcevable bonheur, je tombais dans un découragement sans nom. Et j'allais à... Je revins le soir chez nous. Je repassais par les mêmes chemins. Je revis sur le sable la trace de mes pieds et dans l'herbe la place où je m'étais couché. Il me sembla que j'avais rêvé. Il y a des jours où l'on a vécu deux existences. La seconde n'est déjà plus que le souvenir de la première, et je m'arrêtais souvent dans mon chemin devant un buisson, devant un arbre, au coin d'une route, comme si là, le matin, il s'était passé quelque événement de ma vie. Quand j'arrivais à la maison, il faisait presque nuit, on avait fermé les portes, et les chiens se mirent à aboyer. Les idées de volupté et d'amour qui m'avaient assaillie à 15 ans vinrent me retrouver à 18. Si vous avez compris quelque chose à ce qui précède, vous devez vous rappeler qu'à cet âge-là, j'étais encore vierge et n'avais point aimé. Pour ce qui était de la beauté des passions et leur bruit sonore, les poètes me fournissaient des thèmes à ma rêverie. Quant au plaisir des sens, à ces joies du corps que les adolescents convoitent, j'en entretenais dans mon cœur le désir incessant par toutes les excitations volontaires de l'esprit. De même que les amoureux envient de venir au bout de leurs amours en s'y livrant sans cesse, de s'en débarrasser à force d'y songer, Il me semblait que ma pensée seule finirait par tarir ce sujet-là, d'elle-même, et par vider la tentation à force d'y boire. Mais, revenant toujours au point d'où j'étais partie, je tournais dans un cercle infranchissable. Je m'y heurtais en vain la tête, désireux d'être plus au large. La nuit, sans doute, je rêvais des plus belles choses qu'on rêve, car le matin, j'avais le cœur plein de sourires et de serments délicieux. Le réveil me chagrinait, et j'attendais avec impatience le retour du sommeil pour qu'il me donnât de nouveau ces frémissements auxquels je pensais toute la journée, qu'il n'eût tenu qu'à moi d'avoir à l'instant et dont j'éprouvais comme une épouvante religieuse. C'est alors que je sentis bien le démon de la chair vivre dans tous les muscles de mon corps, courir dans tout mon sang. Je pris en pitié l'époque ingénue où je tremblais sous le regard des femmes, où je me pâmais devant des tableaux ou des statues. Je voulais vivre, jouir, aimer. Je sentais vaguement ma saison chaude arriver. De même qu'au premier jour de soleil, une ardeur d'été vous est apportée par les vents tièdes, quoiqu'il n'y ait encore ni herbe, ni feuilles, ni roses. Comment faire? Qui aimer? Qui vous aimera? Quelle sera la grande dame qui voudra de vous? La beauté surhumaine qui vous tendra les bras? Qui dira toutes les promenades tristes que l'on fait seul au bord des ruisseaux, tous les soupirs des cœurs gonflés partis vers les étoiles, pendant les chaudes nuits où la poitrine étouffe. Rêver d'amour, c'est tout rêver. C'est l'infini dans le bonheur, c'est le mystère dans la joie. Avec quelle ardeur le regard vous dévore, avec quelle intensité il se darde sur vos têtes, ô belle femme triomphante. La grâce et la corruption respirent dans chacun de vos mouvements. Les plis de vos robes ont des bruits qui nous remuent jusqu'au fond de nous. Et il émane de la surface de tout votre corps quelque chose qui nous tue et qui nous enchante. Il y eut dès lors, pour moi, un mot qui sembla beau entre les mots humains, adultère. Une douceur exquise plane vaguement sur lui. Une magie singulière l'embaume. Toutes les histoires qu'on raconte, tous les livres qu'on lit, tous les gestes qu'on fait nous le disent et le commentent éternellement pour le cœur du jeune homme. Il s'en abreuve à plaisir. Il y trouve une poésie suprême mêlée de malédiction et de volupté. C'était surtout aux approches du printemps, quand les lilas commencent à fleurir et les oiseaux à chanter sous les premières feuilles, que je me sentais pris du besoin d'aimer, de se fondre tout entier dans l'amour, de s'absorber dans quelques doux et grands sentiments, et comme de se recréer même dans la lumière et les parfums. Chaque année encore, pendant quelques heures, je me retrouve ainsi dans une virginité qui me pousse avec les bourgeons. Mais les joies ne refleurissent pas avec les roses, et il n'y a pas maintenant plus de verdure dans mon cœur que sur la grande route, où le hâle fatigue les yeux, où la poussière s'élève en tourbillon. Cependant, prêt à vous raconter ce qui va suivre, au moment de descendre dans ce souvenir, je tremble et j'hésite. C'est comme si j'allais revoir une maîtresse d'autrefois. Le cœur oppressé, on s'arrête à chaque marche de son escalier, on craint de la retrouver et on a peur qu'elle soit absente. Il en est de même de certaines idées avec lesquelles on a trop vécu. On voudrait s'en débarrasser pour toujours, et pourtant elle coule dans vous, comme la vie même, le cœur y respire dans son atmosphère naturelle. Je vous ai dit que j'aimais le soleil. Dans les jours où il brille, mon âme naguère avait quelque chose de la sérénité des horizons rayonnants et de la hauteur du ciel. C'était donc l'été. Ah, la plume ne devrait pas écrire tout cela. Il faisait chaud, je sortis, personne chez moi ne s'aperçut que je sortais. Il y avait peu de monde dans les rues, le pavé était sec, de temps à autre des bouffées chaudes s'exhalaient de dessous terre et vous montaient à la tête, les murs des maisons envoyaient des réflexions embrasées, l'ombre elle-même semblait plus brûlante que la lumière. Au coin des rues, près des tas d'ordures, des essaims de mouches bourdonnaient dans les rayons du soleil, en tournoyant comme une grande roue d'or. L'angle des toits se détachait vivement en ligne droite sur le bleu du ciel, les pierres étaient noires, il n'y avait pas d'oiseaux autour des clochers. Je marchais, cherchant du repos, désirant une brise, quelque chose qui pût m'enlever de dessus terre, m'emporter dans un tourbillon. Je sortis des faubourgs. Je me trouvais derrière des jardins, dans des chemins moitié rues, moitié sentiers. Des jours vifs sortaient çà et là à travers les feuilles des arbres, dans les masses d'ombre, les brins d'herbe se tenaient droits. La pointe des cailloux envoyait des rayons, la poussière craquait sous les pieds, toute la nature mordait et enfin le soleil se cacha. Il parut un gros nuage, comme si orage allait venir. La tourmente que j'avais sentie jusque-là changea de nature. Je n'étais plus si irritée, mais enlacée. Ce n'était plus une déchirure, mais un étouffement. Je me couchai à terre, sur le ventre, à l'endroit où il me semblait qu'il devait y avoir le plus d'ombre, de silence et de nuit, à l'endroit qui devait me cacher le mieux, et haletant, je m'y abîmais le cœur dans un désir effréné. Les nuées étaient chargées de mollesse. Elles pesaient sur moi et m'écrasaient comme une poitrine sur une autre poitrine. Je sentais un besoin de volupté, plus chargé d'odeur que le parfum des clématites et plus cuisant que le soleil sur le mur des jardins. Oh, que ne pouvais-je presser quelque chose dans mes bras, l'y étouffer sous ma chaleur, ou bien me dédoubler moi-même, aimer cet autre être et nous fondre ensemble. Ce n'était plus le désir d'un vague idéal, ni la convoitise d'un beau rêve évanoui, mais, comme au fleuve sans lit, ma passion débordait de tous côtés en ravins furieux. Elle m'inondait le cœur et le faisait retentir partout, de plus de tumulte et de vertige que les torrents dans les montagnes. J'allais au bord de la rivière. J'ai toujours aimé l'eau et le doux mouvement des vagues qui se poussent. Elle était paisible. Les nénuphars blancs tremblaient au bruit du courant. Les flots se déroulaient lentement, se déployant les uns sur les autres. Au milieu, les îles laissaient retomber dans l'eau leurs touffes de verdure. La rive semblait sourire. On n'entendait rien que la voix des ondes. En cet endroit-là, il y avait quelques grands arbres. La fraîcheur du voisinage de l'eau et celle de l'ombre me délecta. Je me sentis sourire. De même que la muse qui est en nous, quand elle écoute l'harmonie, ouvre les narines et aspire les beaux sons, je ne sais quoi se dilata en moi-même pour aspirer une joie universelle. Regardant les nuages qui roulaient au ciel, la pelouse de la rive veloutée et jaunie par les rayons du soleil, écoutant le bruit de l'eau et le frémissement de la cime des arbres qui remuaient, quoiqu'il n'y eût pas de vent, seul, agité et calme à la fois, je me sentis défaillir de volupté sous le poids de cette nature aimante. Et j'appelais l'amour. Mes lèvres tremblaient, s'avançaient comme si j'eusse senti la laine d'une autre bouche. Mes mains cherchaient quelque chose à palper. Mes regards tâchaient de découvrir dans le pli de chaque vague, dans le contour des nuages enflés, une forme quelconque, une jouissance, une révélation. Le désir sortait de tous mes pores. Mon cœur était tendre et rempli d'une harmonie contenue. Et je remuais les cheveux autour de ma tête. Je m'en caressais le visage. J'avais du plaisir à en respirer l'odeur. Je m'étalais sur la mousse au pied des arbres. Je souhaitais des longueurs plus grandes. J'aurais voulu être brisée sous les baisers, être la fleur que le vent secoue, la rive que le fleuve humecte, la terre que le soleil féconde. L'herbe était douce à marcher. Je marchais. Chaque pas me procurait un plaisir nouveau. Et je jouissais par la plante des pieds de la douceur du gazon. Les prairies au loin étaient couvertes d'animaux, de chevaux, de poulains. L'horizon retentissait du bruit des hennissements et de galops. Les terrains s'abaissaient et s'élevaient doucement de larges ondulations qui dérivaient des collines. Le fleuve serpentait, disparaissait derrière les îles, apparaissait ensuite entre les herbes et les roseaux. Tout cela était beau, semblait heureux, suivait sa loi, son cours. Moi seule, j'étais malade et j'agonisais plein de désirs. Tout d'un coup, je me mis à fuir. Je rentrais dans la ville, je traversais les ponts. J'allais dans les rues, sur les places. Les femmes passaient près de moi. Il y en avait beaucoup. Elles marchaient vite. Elles étaient toutes merveilleusement belles. Jamais je n'avais tant regardé en face leurs yeux qui brillent, ni leur démarche légère comme celle des chèvres. Les duchesses, penchées sur leurs portières blasonnées, semblaient me sourire, m'inviter à des amours sur la soie. Du haut de leur balcon, les dames en écharpe s'avançaient pour me voir et me regardaient en disant « Aime-nous ! Aime-nous !» Toutes m'aimaient dans leur pose, dans leurs yeux, dans leur immobilité, même, je le voyais bien. Et puis la femme était partout. Je la coudoyais, je l'effleurais, je la respirais. L'air était plein de son odeur. Je voyais son cou en sueur entre le châle qui les entourait et les plumes du chapeau ondulant à son pas. Son talon relevait sa robe en marchant devant moi. Quand je passais près d'elle, sa main gantée remuait. Ni celle-ci, ni celle-là, pas plus l'une que l'autre, mais toutes, mais chacune. Dans la variété infinie de leurs formes et du désir qui y correspondait, elles avaient beau être vêtues, je les décorais sur le champ d'une nudité magnifique, que je m'étalais sous les yeux, et bien vite en passant aussi près d'elles, j'emportais le plus que je pouvais d'idées voluptueuses, d'odeurs qui font tout aimer, de frôlements qui irritent, de formes qui attirent. Je savais bien où j'allais. C'était à une maison dans une rue où souvent j'avais passé pour sentir mon cœur battre. Elle avait des jalousies vertes. On montait 3 marches. Oh, je savais cela par cœur. Je l'avais bien regardée bien souvent, m'étant détournée de ma route rien que pour voir les fenêtres fermées. Enfin, après une course qui dura 1 siècle, j'entrai dans cette rue. Je crus suffoquer. Personne ne passait, je m'avançais. Je sens encore le contact de la porte que je poussais de mon épaule. Elle céda. J'avais eu peur qu'elle ne fût scellée dans la muraille. Mais non, elle tourna sur un gond doucement, sans faire de bruit. Je montai un escalier. L'escalier était noir, les marches usées. Elles s'agitaient sous mes pieds. Je montais toujours, on n'y voyait pas. J'étais étourdie. Personne ne me parlait, je ne respirais plus. Enfin, j'entrai dans une chambre. Elle me parut grande. Cela tenait à l'obscurité qu'il y faisait. Les fenêtres étaient ouvertes, mais de grands rideaux jaunes tombant jusqu'à terre arrêtaient le jour. L'appartement était coloré d'un reflet d'or blafard. Au fond et à côté de la fenêtre de droite, une femme était assise. Il fallait qu'elle ne m'eût pas entendue, car elle ne se détourna pas quand j'entrais. Je restais debout sans avancer, occupée à la regarder. Elle avait une robe blanche à manches courtes. Elle se tenait le coude appuyé sur le rebord de la fenêtre, une main près de sa bouche, et semblait regarder par terre quelque chose de vague et d'indécis. Ses cheveux noirs, lissés et nattés sur les tempes, reluisaient comme l'aile d'un corbeau. Sa tête était un peu penchée, quelques petits cheveux de derrière s'échappaient des autres et frisottaient sur son cou. Son grand peigne d'or, recourbé, était couronné de grains de corail rouge. Elle jeta un cri quand elle m'aperçut et se leva par un bond. Je me sentis d'abord frappée du regard brillant de ses 2 grands yeux. Quand je pus relever mon front, affaissé sous le poids de ce regard, je vis une figure d'une adorable beauté. Une même ligne droite partait du sommet de sa tête dans l'arrêt de ses cheveux, passait entre ses grands sourcils arqués, sur son nez aquilin, aux narines palpitantes et relevées comme celles des camées antiques. Fendait par le milieu sa lèvre chaude, ombragée d'un duvet bleu, et puis là, le cou gras, blanc, rond. À travers son vêtement mince, je voyais la forme de ses seins aller et venir au mouvement de sa respiration. Elle se tenait ainsi debout, en face de moi, entourée de la lumière du soleil qui passait à travers le rideau jaune et faisait ressortir davantage ce vêtement blanc et cette tête brune. À la fin, elle se mit à sourire, presque de pitié et de douceur, et je m'approchai. Je ne sais ce qu'elle s'était mis aux cheveux, mais elle embaumait, et je me sentis le cœur plus mou et plus faible qu'une pêche qui se fond sous la langue. Elle me dit « Qu'avez-vous donc ? Venez !» Et elle alla s'asseoir sur un long canapé recouvert de toile grise, adossé à la muraille. Je m'assis près d'elle. Elle me prit la main. La sienne était chaude. Nous restâmes longtemps, nous regardant, sans rien dire. Jamais je n'avais vu une femme de si près. Toute sa beauté m'entourait. Son bras touchait le mien. Les plis de sa robe retombaient sur mes jambes. La chaleur de sa hanche m'embrasait. Je sentais par ce contact les ondulations de son corps. Je contemplais la rondeur de ses épaules et les veines bleues de ses tempes. Elle me dit « Eh bien, repris-je d'un air gai, voulant secouer cette fascination qui m'endormait. Mais je m'arrêtai là. J'étais tout entier à la parcourir des yeux. Sans rien dire, elle me passa un bras autour du corps et m'attira sur elle dans une muette étreinte. Alors je l'entourai de mes deux bras et je collai ma bouche sur son épaule. J'y bus avec délice mon premier baiser d'amour. J'y savourai le long désir de ma jeunesse et la volupté trouvée de tous mes rêves. Et puis je me renversai le cou en arrière pour mieux voir sa figure. Ses yeux brillaient, m'enflammaient. Son regard m'enveloppait plus que ses bras. J'étais perdue dans son œil et nos doigts se mêlèrent ensemble. Les siens étaient longs, délicats. Ils se tournaient dans ma main avec des mouvements vifs et subtils. J'aurais pu les broyer au moindre effort. Je les serrais exprès pour les sentir davantage. Je ne me souviens plus maintenant de ce qu'elle me dit ni de ce que je lui répondis. Je suis restée ainsi longtemps, perdue, suspendue, balancée dans ce battement de mon cœur. Chaque minute augmentait mon ivresse. À chaque moment, quelque chose de plus m'entrait dans l'âme. Tout mon corps frissonnait d'impatience, de désir, de joie. J'étais grave pourtant, plutôt sombre que gai, sérieux, absorbé comme dans quelque chose de divin et de suprême. Avec sa main, elle me serrait la tête sur son cœur, mais légèrement, comme si elle eût peur de me l'écraser sur elle. Elle ôta sa manche par un mouvement d'épaule. Sa robe se décrocha. Elle n'avait pas de corset, ses chemises bâillaient. C'était une de ces gorges splendides où l'on voudrait mourir étouffé dans l'amour. Assise sur mes genoux, elle avait une pose naïve d'enfant qui rêve. Son beau profil se découpait en lignes pures. Un pli d'une courbe adorable sous l'aisselle faisait comme le sourire de son épaule. Son dos blanc se courbait un peu, d'une manière fatiguée, et sa robe affaissée retombait par le bas en larges plis sur le plancher. Elle levait les yeux au ciel et chantonnait dans ses dents un refrain triste et langoureux. Je touchai à son peigne, je l'ôtai. Ses cheveux se déroulèrent comme une onde et les longues mèches noires tressaillirent en tombant sur ses hanches. Je passai d'abord ma main dessus et dedans et dessous. J'y plongeai le bras, je m'y baignai le visage. J'étais navrée. Quelquefois, je prenais plaisir à les séparer en deux par derrière et à les ramener par devant de manière à les cacher les seins. D'autres fois, je les réunissais tous en réseau et je les tirais pour voir sa tête renversée en arrière et son cou tendre en avant. Elle se laissait faire comme une morte. Tout d'un coup, elle se dégagea de moi, dépassa ses pieds de dedans sa robe et sauta sur le lit avec la prestesse d'une chatte. Le matelas s'enfonça sous ses pieds, le lit craqua, elle rejeta brusquement en arrière les rideaux et se coucha. Elle me tendit les bras, elle me prit. Oh, les draps même semblaient tout échauffés encore des caresses qui avaient passé là. Sa main douce et humide me parcourait le corps. Elle me donnait des baisers sur la figure, sur la bouche, sur les yeux. Chacune de ses caresses précipitées me faisait pâmer. Elle s'étendait sur le dos et soupirait. Tantôt, elle fermait les yeux à demi et me regardait avec une ironie voluptueuse, puis s'appuyant sur le coude, se tournant sur le ventre, relevant ses talons en l'air, elle était pleine de mignardises charmantes, de mouvements raffinés et ingénus. Enfin, se livrant à moi avec abandon, elle leva les yeux au ciel et poussa un grand soupir qui lui souleva tout le corps. Sa peau chaude, frémissante, s'étendait sous moi et frissonnait. Des pieds à la tête, je me sentais tout recouvert de volupté, ma bouche collée à la sienne, nos doigts mêlés ensemble et bercés dans le même frisson, enlacés dans la même étreinte, respirant l'odeur de sa chevelure et le souffle de ses lèvres. Je me sentis délicieusement mourir. Quelque temps encore, je restais béant à savourer le battement de mon cœur et le dernier tressaillement de mes nerfs agités, puis il me sembla que tout s'éteignait et disparaissait. Mais elle ne disait rien non plus. Immobile comme une statue de chair, ses cheveux noirs et abondants entouraient sa tête pâle, et ses bras dénoués reposaient étendus avec mollesse. De temps à autre, un mouvement compulsif lui secouait les genoux et les hanches. Sur sa poitrine, la place de mes baisers était rouge encore. Un son rauque et lamentable sortait de sa gorge, comme lorsqu'on s'endort après avoir longtemps pleuré et sangloté. Tout à coup, je l'entendis qui disait ceci. « Dans l'oubli de tes sens, si tu devenais mère. » Et puis je ne me souviens plus de ce qui suivit. Elle croisa les jambes les unes sur les autres, se berça de côté, de l'autre, comme si elle eût été dans un hamac. Elle me passa sa main dans les cheveux, en se jouant comme avec un enfant, et demanda si j'avais eu une maîtresse. Je lui répondis que oui, et comme elle continuait, j'ajoutai qu'elle était belle et mariée. Elle me fit encore d'autres questions sur mon nom, sur ma vie, sur ma famille. « Et toi, lui dis-je, as-tu aimé ?»« Aimé ? Non !» Et elle fit un éclat de rire forcé qui me décontenança. Elle me demanda encore si la maîtresse que j'avais était belle, et après un silence, elle reprit « Oh, comme elle doit t'aimer !»« Dis-moi ton nom, hein, ton nom !» À mon tour, je voulus savoir le sien. « Marie, répondit-elle, mais j'en avais un autre. Ce n'est pas comme cela qu'on m'appelait chez moi. Et puis je ne sais plus, tout cela est parti, c'est déjà si vieux. Cependant, il y a certaines choses que je revois comme si c'était hier. Sa chambre, par exemple. Je revois le tapis du lit, usé au milieu, la couche d'acajou avec des ornements en cuivre et des rideaux de soie rouge moirée. Ils craquaient sous les doigts, les franges en étaient usées. Sur la cheminée, deux vases de fleurs artificielles. Au milieu, la pendule, dont le cadran était suspendu entre quatre colonnes d'albâtre. Ça et là, accroché à la muraille, une vieille gravure entourée d'un cadre de bois noir et représentant des femmes au bain, des vendangeurs, des pêcheurs. Et elle, quelquefois son souvenir me revient, si vif, si précis, que tous les détails de sa figure m'apparaissent de nouveau, avec cette étonnante fidélité de mémoire que les rêves seuls nous donnent quand nous revoyons avec leurs mêmes habits, leurs mêmes sons de voix, nos vieux amis morts depuis des années, et que nous nous en épouvantons. Je me souviens bien qu'elle avait sur la lèvre inférieure, du côté gauche, un grain de beauté qui paraissait dans un pli de la peau quand elle souriait. Elle n'était plus fraîche même. Et le coin de sa bouche était serré d'une façon amère et fatiguée. Quand je fus prêt à m'en aller, elle me dit adieu. Adieu. Vous reverra-t-on ? Peut-être. Et je sortis. L'air me ranima. Je me trouvais tout changé. Il me semblait qu'on devait s'apercevoir sur mon visage que je n'étais plus le même homme. Je marchais légèrement, fièrement, content. Libre. Je n'avais plus rien à apprendre, plus rien à sentir, rien à désirer dans la vie. Je rentrais chez moi. Une éternité était passée depuis que j'en étais sortie. Je montai à ma chambre et je m'assis sur mon lit, accablé de toute ma journée qui pesait sur moi avec un poids incroyable. Il était peut-être 7 heures du soir. Le soleil se couchait, le ciel était en feu et l'horizon tout rouge flamboyait par-dessus les toits des maisons. Le jardin, déjà dans l'ombre, était plein de tristesse. Des cercles jaunes et oranges tournaient dans le coin des murs, s'abaissaient et montaient dans les buissons. La terre était sèche et grise. Dans la rue, quelques gens du peuple, au bras de leurs femmes, chantaient en passant et allaient aux barrières. Je repensais toujours à ce que j'avais fait, et je fus pris d'une indéfinissable tristesse. J'étais plein de dégoût. J'étais repu. J'étais là. Mais ce matin même, me disais-je, ce n'était pas comme ça. J'étais plus frais, plus heureux. À quoi cela tient-il ? Et par l'esprit, je repassais dans toutes les rues où j'avais marché. Je revis les femmes que j'avais rencontrées, tous les sentiers que j'avais parcourus. Je retournais chez Marie et je m'arrêtais sur chaque détail de mon souvenir. Je pressurais ma mémoire pour qu'elle m'en fournît le plus possible. Toute ma soirée se passa à cela. La nuit vint et je demeurai fixée comme un vieillard à cette pensée charmante. Je sentais que je n'en ressaisirais rien, que d'autres amours pourraient venir, mais qu'ils ne ressembleraient plus à celui-là. Ce premier parfum était senti. Ce son était envolé. Je désirais mon désir et je regrettais ma joie. Quand je considérais ma vie passée et ma vie présente, c'est-à-dire l'attente des jours écoulés et la lassitude qui m'accablait, alors je ne savais plus dans quel coin de mon existence mon cœur se trouvait placé, si je rêvais ou si j'agissais, si j'étais plein de dégoût ou plein de désir, car j'avais à la fois les nausées de la satiété et l'ardeur des espérances. Ce n'était donc que cela aimer ? Ce n'était donc que cela une femme ? Pourquoi, ô mon Dieu, avons-nous encore faim alors que nous sommes repus ? Pourquoi tant d'aspiration et tant de déception? Pourquoi le cœur de l'homme est-il si grand et la vie si petite? Il y a des jours où l'amour des anges même ne lui suffirait pas, et il se fatigue en une heure de toutes les caresses de la terre. Mais l'illusion évanouie laisse en nous son odeur de fée, et nous en cherchons la trace par tous les sentiers où elle a fui. On se plaît à dire que tout n'est pas fini de sitôt, que la vie ne fait que commencer, qu'un monde s'ouvre devant nous. Aura-t-on en effet dépensé tant de rêves sublimes, tant de désirs bouillants pour aboutir là? Or, je ne voulais pas renoncer à toutes les belles choses que je m'étais forgées. J'avais créé pour moi, en deçà de ma virginité perdue, d'autres formes plus vagues mais plus belles, d'autres voluptés moins précises que le désir que j'en avais, mais célestes et infinies. Aux imaginations que je m'étais faites naguère et que je m'efforçais d'évoquer, se mêlait le souvenir intense de mes dernières sensations, et le tout se confondant, fantôme et corps, rêve et réalité, la femme que je venais de quitter prit pour moi une proportion synthétique, où tout se résuma dans le passé et d'où tout s'élança pour l'avenir. Seule et pensant à elle, je la retournais encore en tous sens pour y découvrir quelque chose de plus, quelque chose d'inaperçu, d'inexploité la première fois. L'envie de la revoir me prit, m'obséda. C'était comme une fatalité qui m'attirait, une pente où je glissais. Oh, la belle nuit! Il faisait chaud. J'arrivais à sa porte tout en sueur. Il y avait de la lumière à sa fenêtre. Elle veillait sans doute. Je m'arrêtais. J'eus peur. Je restais longtemps, ne sachant que faire, plein de mille angoisses confuses. Encore une fois, j'entrai. Ma main, une seconde fois, glissa sur la rampe de son escalier et tourna la clé. Elle était seule, comme le matin. Elle se tenait à la même place, dans la même posture, mais elle avait changé de robe. Celle-ci était noire, la garniture de dentelle qui en bordait le haut frissonnait d'elle-même sur sa gorge blanche, sa chair brillait, sa figure avait cette pâleur lascive que donnent les flambeaux. La bouche mi-ouverte, les cheveux tout débouclés et pendant sur les épaules, les yeux levés au ciel, elle avait l'air de chercher du regard quelque étoile disparue. Bien vite, d'un bond joyeux, elle sauta jusqu'à moi et me serra dans ses bras. Ce fut là, pour nous, une de ces étreintes frissonnantes, telles que les amants, la nuit, doivent en avoir dans leur rendez-vous, quand, après avoir longtemps, l'œil tendu dans les ténèbres, guettaient chaque foulement des feuilles, chaque forme vague qui passait dans la clairière, ils se rencontrent enfin et viennent à s'embrasser. Elle me dit d'une voix précipitée et douce, tout ensemble, « Oh, tu m'aimes donc que tu reviens me voir? Dis, dis, oh mon cœur, m'aimes-tu? » Ses paroles avaient un son aigu et moelleux, comme les intonations les plus élevées de la flûte. À demi affaissée sur les jarrets, me tenant dans ses bras, elle me regardait avec une ivresse sombre. Pour moi, quelque étonnée que je fusse de cette passion si subitement venue, j'en étais charmée, j'en étais fière. Sa robe de satin craquait sous mes doigts avec un bruit d'étincelles. Quelquefois, après avoir senti le velouté de l'étoffe, je venais à sentir la douceur chaude de son bras nu. Son vêtement semblait participer d'elle-même. Il exhalait la séduction des plus luxuriantes nudités. Elle voulut à toute force s'asseoir sur mes genoux, et elle recommença sa caresse, accoutumée, qui était de me passer la main dans les cheveux, tandis qu'elle me regardait fixement, face à face, les yeux dardés contre les miens. Dans cette pose immobile, sa prunelle parut se dilater. Il en sortit un fluide que je sentais me couler sur le cœur. Chaque effluve de ce regard béant, semblable aux cercles successifs que décrit l'orfraie, m'attachait de plus en plus à cette magie terrible. « Ah, oh, tu m'aimes donc, » reprit-elle. « Tu m'aimes donc que te voilà venue encore chez moi, pour moi. Mais qu'as-tu? Tu ne dis rien. Tu es triste? Tu ne veux plus de moi ?» Elle fit une pause et reprit. « Comme tu es beau, mon ange. Tu es beau comme le jour. Embrasse-moi donc. Aime-moi. Un baiser, vite !» Elle se suspendit à ma bouche et, recoulant comme une colombe, elle se gonflait la poitrine du soupir qu'elle y puisait. « Ah, mais pour la nuit, n'est-ce pas? Pour la nuit, toute la nuit, à nous deux. C'est comme toi que je voudrais avoir un amant jeune et frais qui m'aimait bien, qui ne pensa qu'à moi. Oh, comme je l'aimerais !» Et elle fit une de ces inspirations de désir où il semble que Dieu devait descendre des cieux. « Mais n'en as-tu pas un ?» lui dis-je. « Qui, moi ? Est-ce que nous sommes aimés, nous autres ? Est-ce qu'on pense à nous ? Qui veut de nous ? Toi-même, demain, te souviendras-tu de moi ? Tu te diras peut-être seulement, « Tiens, hier j'ai couché avec une fille, mais là-là. » Et elle se mit à danser les poings sur la taille avec des allures immondes. « C'est que je danse bien ? Tiens, regarde mon costume. » Elle ouvrit son armoire et je vis sur une planche un masque noir, des rubans bleus avec un domino. Il y avait aussi un pantalon de velours noir à galons d'or accroché à un clou, reste flétri du carnaval passé. « Mon pauvre costume !» dit-elle. « Comme j'étais souvent au bal avec lui, c'est moi qui ai dansé cet hiver. » La fenêtre était ouverte et le vent faisait trembler la lumière de la bougie. Elle alla prendre de dessus la cheminée et la mit sur la table de nuit. Arrivée près du lit, elle s'assit dessus et se prit à réfléchir profondément, la tête baissée sur la poitrine. Je ne lui parlais pas non plus. J'attendais. L'odeur chaude des nuits d'août montait jusqu'à nous. Nous entendions de là les arbres du boulevard remuer, le rideau de la fenêtre tremblait. Toute la nuit, il fit de l'orage. Souvent, à la lueur des éclairs, j'apercevais sa blême figure, crispée dans une expression de tristesse ardente. Les nuages couraient vite. La lune, à demi cachée par eux, apparaissait par moments dans un coin de ciel pur entouré de nuées sombres. Elle se déshabilla lentement avec les mouvements réguliers d'une machine. Quand elle fut en chemise, elle vint à moi, pieds nus sur le pavé, me prit par la main et me conduisit à son lit. Elle ne me regardait pas, elle pensait à autre chose. Elle avait la lèvre rose et humide, les narines ouvertes, l'œil en feu, et semblait vibrer sous le frottement de sa pensée, comme alors même que l'artiste n'est plus là, l'instrument sonore laisse évaporer un secret parfum de notes endormies. C'est quand elle se fut couchée près de moi qu'elle m'étala avec un orgueil de courtisane toutes les splendeurs de sa chair. Je vis à nu sa gorge dure et toujours gonflée comme d'un murmure orageux, son ventre de nacre au nombril creusé, son ventre élastique et convulsif, doux pour s'y plonger la tête comme sur un oreiller de satin chaud. Elle avait des hanches superbes, de ces vraies hanches de femme dont les lignes dégradantes sur une cuisse ronde rappellent toujours de profil je ne sais quelle forme souple et corrompue de serpent et de démon. La sueur qui mouillait sa peau la lui rendait fraîche et collante. Dans la nuit, ses yeux brillaient d'une manière terrible. Et le bracelet d'ambre qu'elle portait au bras droit sonnait quand elle s'attrapait au lambris de l'alcôve. Ce fut dans ces heures-là qu'elle me disait, tenant ma tête serrée sur son cœur, « Ange d'amour, de délices, de volupté, d'où viens-tu ? Où est ta mère ? À quoi songeait-elle quand elle t'a conçue ? Rêvait-elle la force des lions d'Afrique ou le parfum de ces arbres lointains, si embaumant qu'on meurt à les sentir ? Tu ne dis rien ? Regarde-moi avec tes grands yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. Ta bouche. » Ta bouche, tiens, tiens, voilà la mienne. Et puis, ses dents claquaient comme par un grand froid, et ses lèvres écartées tremblaient et envoyaient dans l'air des paroles folles. Ah, je serais jalouse de toi, vois-tu, si nous nous aimions. La moindre femme qui te regarderait. Et elle achevait sa phrase dans un cri. D'autres fois, elle m'arrêtait avec des bras raidis et disait tout bas qu'elle allait mourir. Oh, que c'est beau un homme quand il est jeune! Si j'étais homme, moi, toutes les femmes m'aimeraient. Mes yeux brilleraient si bien. Je serais si bien mise, si jolie. Ta maîtresse t'aime, n'est-ce pas ? Je voudrais la connaître. Comment vous voyez-vous ? Est-ce chez toi ou chez elle ? Est-ce à la promenade quand tu passes à cheval ? Tu dois être si bien à cheval. Au théâtre quand on sort et qu'on lui donne son manteau ? Ou bien la nuit dans son jardin ? Les belles heures que vous passez, n'est-ce pas ? À causer ensemble, assis sous la tonnelle. Je la laissais dire. Il me semblait qu'avec ces mots, elle me faisait une maîtresse idéale, et j'aimais ce fantôme qui venait d'arriver dans mon esprit et qui brillait plus rapide qu'un feu follet le soir dans la campagne. Il y a longtemps que vous vous connaissez. Conte-moi ça un peu. Que lui dis-tu pour lui plaire? Est-elle grande ou petite? Chante-t-elle? Je ne puis m'empêcher de lui dire qu'elle se trompait. Je lui parlais même de mes appréhensions à l'avenir trouvé, du remords, ou mieux, de l'étrange peur que j'en avais eue ensuite, et du retour soudain qui m'avait poussé vers elle. Quand je lui eus bien dit que je n'avais jamais eu de maîtresse, que j'en avais cherché partout, que j'en avais rêvé longtemps, et qu'enfin elle était la première qui eût accepté mes caresses, elle se rapprocha de moi avec étonnement, et me prenant par le bras comme si j'étais une illusion qu'elle voulut saisir. « Vrai ?» me dit-elle. « Oh, ne me mens pas. Tu es donc vierge, et c'est moi qui t'ai déflorée, pauvre ange. Tes baisers, en effet, avaient je ne sais quoi de naïf, tel que les enfants seuls en auraient s'ils faisaient l'amour. Mais tu m'étonnes. Tu es charmant. À mesure que je te regarde, je t'aime de plus en plus. Ta joue est douce comme une pêche. Ta peau, en effet, est toute blanche. Tes beaux cheveux sont forts et nombreux. Oh, comme je t'aimerais si tu voulais. Car je n'ai vu que toi comme ça. On dirait que tu me regardes avec bonté, et pourtant tes yeux me brûlent. J'ai toujours envie de me rapprocher de toi et de te serrer sur moi. » C'étaient les premières paroles d'amour que j'entendisse dans ma vie. Parties n'importe où, notre cœur les reçoit avec un tressaillement bien heureux. Rappelez-vous cela. Je m'en abreuvais à plaisir. Oh, comme je m'élançais vite dans ce ciel nouveau. Oui, oui, embrasse-moi bien, embrasse-moi bien. Tes baisers me rajeunissent, disait-elle. J'aime à sentir ton odeur comme celle de mon chèvrefeuille au mois de juin. C'est frais et sucré tout à la fois. Tes dents, voyons-les, elles sont plus blanches que les miennes. Je ne suis pas si belle que toi. Oh, comme il fait bon, là! Et elle s'appuya la bouche sur mon cou, y fouillant avec d'âpres baisers comme une bête fauve au ventre de sa victime. Qu'ai-je donc ce soir? Tu m'as mise tout en feu. J'ai envie de boire et de danser en chantant. As-tu quelquefois voulu être un petit oiseau? Nous volerions ensemble. Ça doit être si doux de faire l'amour dans l'air. Les vents vous poussent, les nuages vous entourent. Non, tais-toi que je te regarde. Que je te regarde longtemps. Afin que je me souvienne de toi, toujours. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Reprit-elle. Mais pour m'en souvenir, pour penser à toi. J'y penserai la nuit quand je ne dors pas, le matin quand je m'éveille. J'y penserai toute la journée, appuyée à ma fenêtre pour regarder les passants, mais surtout le soir, quand on n'y voit plus et qu'on n'a pas encore allumé les bougies. Je me rappellerai ta figure, ton corps, ton beau corps, où la volupté respire, et ta voix. Oh, écoute, je t'en prie, mon amour, laisse-moi couper de tes cheveux, je les mettrai dans ce bracelet-là, ils ne me quitteront jamais. Elle se leva de suite, elle alla chercher ses ciseaux et me coupa derrière la tête une mèche de cheveux. C'étaient de petits ciseaux pointus qui crièrent en jouant sur leur vis. Je sens encore sur la nuque le froid de l'acier et la main de Marie. C'est une des plus belles choses des amants que les cheveux donnés et échangés. Que de belles mains, depuis qu'il y a des nuits, ont passé à travers les balcons et donné des tresses noires. Arrière, les chaînes de montre tordues en huit, les bagues où ils sont collés dessus, les médaillons où ils sont disposés en trèfle, et tous ceux qu'a pollué la main banale du coiffeur. Je le veux tout simple et noué aux deux bouts, d'un fil de peur d'en perdre un seul. On les a coupés soi-même à la tête chérie dans quelques suprêmes moments, au plus fort d'un premier amour, la veille du départ. Une chevelure, manteau magnifique de la femme au jour primitif, quand il lui descendait jusqu'aux talons et lui couvrait les bras, alors qu'elle s'en allait avec l'homme, marchant au bord des grands fleuves, et que les premières brises de la création faisaient tressaillir à la fois la cime des palmiers, la crinière des lions, la chevelure des femmes. J'aime les cheveux. Que de fois dans des petits cimetières qu'on remuait ou dans les vieilles églises qu'on abattait, j'en ai contemplé qui apparaissaient dans la terre remuée entre des ossements jaunes et des morceaux de bois pourri. Souvent le soleil jetait dessus un pâle rayon et les faisait briller comme un filon d'or. J'aimais à songer aux jours où, réunis ensemble sur un cuir blanc et graissé de parfums liquides, quelques mains sèches maintenant passaient dessus et les étendaient sur l'oreiller, quelques bouches sans gencives maintenant les baisait au milieu et en mordait le bout avec des sanglots heureux. Je me laissais couper les miens avec une vanité niaise. J'eus la honte de n'en pas demander à mon tour. Et à cette heure que je n'ai rien, pas un gant, pas une ceinture, pas même 3 corolles de roses desséchées et gardées dans un livre, rien que le souvenir de l'amour d'une fille publique, je les regrette. Quand elle eut fini, elle vint se recoucher près de moi. Elle entra dans les draps, toute frissonnante de volupté. Elle grelottait et se ratatinait sur moi comme un enfant. Enfin, elle s'endormit, laissant sa tête sur ma poitrine. Chaque fois que je respirais, je sentais le poids de cette tête endormie se soulever sur mon cœur. Dans quelle communion intime me trouvais-je donc avec cet être inconnu? Ignorés jusqu'à ce jour l'un à l'autre, le hasard nous avait unis, nous étions là dans la même couche, liés par une force sans nom. Nous allions nous quitter et ne plus nous revoir. Les atomes qui roulent et volent dans l'air ont entre eux des rencontres plus longues que n'en ont sur cette terre des cœurs qui s'aiment. La nuit, sans doute, les désirs solitaires s'élèvent et les songes se mettent à la recherche des uns des autres. Celui-là soupire peut-être après l'âme inconnue qui soupire après lui dans une autre hémisphère, sous d'autres cieux. Quels étaient maintenant les rêves qui se passaient dans cette tête-là? Songeait-elle à sa famille, à son premier amant? Au monde, aux hommes, à quelque vie riche, éclairée d'opulence, à quelque amour désiré, à moi peut-être. L'œil fixé sur son front pâle, j'épiais son sommeil et je tâchais de découvrir un sens au son rauque qui sortait de ses narines. Il pleuvait. J'écoutais le bruit de la pluie et Marie dormir. Les lumières près de s'éteindre pétillaient dans les bobèches de cristal. L'aube parut, une ligne jaune saillit dans le ciel, s'allongea horizontalement et prenant de plus en plus des teintes dorées et vineuses, envoya dans l'appartement une faible lumière blanchâtre, irisée de violet qui se jouait encore avec la nuit et avec l'éclat des bougies expirantes reflétées dans la glace. Marie, étendue sur moi, avait ainsi certaines parties du corps dans la lumière, d'autres dans l'ombre. Elle s'était dérangée un peu. Sa tête était plus basse que ses seins. Le bras droit, le bras du bracelet, pendait hors du lit et touchait presque le plancher. Il y avait sur la table de nuit un bouquet de violettes dans un verre d'eau. J'étendis la main. Je le pris. Je cassai le fil avec mes dents et je les respirai. La chaleur de la veille, sans doute, ou bien le longtemps depuis qu'elles étaient cueillies, les avait fanées. Je leur trouvais une odeur exquise et toute particulière. Je humais une à une leurs parfums. Comme elles étaient humides, je me les appliquais sur les yeux pour me refroidir, car mon sang bouillait et mes membres fatigués ressentaient comme une brûlure au contact des draps. Alors, ne sachant que faire et ne voulant pas l'éveiller, car j'éprouvais un étrange plaisir à la voir dormir, je mis doucement toutes les violettes sur la gorge de Marie. Bientôt, elle en fut toute couverte. Et ces belles fleurs fanées, sous lesquelles elle dormait, la symbolisèrent à mon esprit. Comme elle, en effet, malgré leur fraîcheur enlevée, à cause de cela peut-être, elle m'envoyait un parfum plus âcre et plus irritant. Le malheur qui avait dû passer dessus la rendait belle de l'amertume que sa bouche conservait. Même en dormant, belle des 2 rides qu'elle avait derrière le cou et que le jour sans doute elle cachait sous ses cheveux. À voir cette femme si triste dans la volupté et dont les étreintes même avaient une joie lugubre, je devinais 1000 passions terribles qu'il avait dû sillonner comme la foudre, à en juger par les traces restées. Et puis sa vie devait me faire plaisir à entendre raconter, moi qui cherchais dans l'existence humaine le côté sonore et vibrant, le monde des grandes passions et des belles larmes. À ce moment-là, elle s'éveilla. Toutes les violettes tombèrent. Elle sourit, les yeux encore à demi fermés, en même temps qu'elle étendait ses bras autour de mon cou et m'embrassait d'un long baiser du matin, d'un baiser de colombe qui s'éveille.